Ouais, chaud. Wesh, gros, c'est comment ma gueule? On est là. Ça date, on n'a pas balancé un classique, frère. Ça date, gros. Mais ta prod. Tiens, ok, Rajel. Je n'ai pas de respect pour les hommes, je n'ai pas de respect pour les femmes. Dans ma classe, je vois un bonhomme attiré par les flammes. J'ai fait confiance à des gars, ça fait là, j'aurais pas dû. Je continuerai à rapper jusqu'à ce qu'ils soient tous pendus. Ne fais pas ce rap, t'es mon pote, mes oreilles sont sur mon dos. Je rappais dans les montagnes, je n'entendais que des échos. Frère, on serre la main, on crucifie juste après. Je te dis, je t'aime, mon amour, je te tais le jour d'après. Je suis le roi des bâtards, mais c'est connasses le savent bien. À force de suivre les chattes, j'ai fini par vivre une vie de chien. Ici je péris, je te dis qu'on prenait des lits, on dégage. Paye ou périrait son périph, tandis que la Tessie se dégrade. T'as flashé sur WAM, le reflet de ma montre est clinquante. Bizarre, mais quand y'a une embrouille, tes coups sont en vacances. Tire-toi loin, reviens plus, voilà ce que ces femmes me disaient. Mais quand je te vois la vérité, je vois mes ex en replay. Mais qu'est-ce que tu me parles de frère, de faire une vie de rêve? Je crève sans trêve, faire preuve d'agilité. Quand les balles se perdent, j'ai beau faire des textes, représenter tous ces enculés sur la tête de vos darons, que personne fera reculer. Le cœur du problème, mais pourquoi ils sont fichas? Je repars au charbon et je te parle pas de la chicha. Je comprends plus les hommes et plus personne ne m'effraie. Tout le monde me regarde de haut comme si j'étais la tour Eiffel. Ray, c'était la mort ou l'hôpital psychiatrique. Je t'allume au taser, notre amitié est électrique. Et sur les ongles, ils se demandent pourquoi j'ai lâché Sofiane. Si le talent ne s'achète pas, ils n'ont qu'à scanner nos gènes. On parle de mariage, j'ai confiance en aucune femme. Après dire, c'est pas un coup d'extinct qu'on rallumera la flamme. Craig, il se rassure, cicatrice n'est qu'un point de suture. C'était l'école, le rêve, le rap où t'as fait dans la soudure. Soupure, ils ne me voient plus. Je leur tends la main, je n'aurais pas dû. Je récupère ce qu'on a perdu. J'en ai une cut dans le turfu. Turfuse, un tête, j'aurais dû prendre père. Pète, je les baisse, ils sont refaits. Tous les rappeurs sont trop bêtes. Sachez que sans WAM, personne vous connaîtrait. Bien sûr que j'ai la voix de Rof, mais Ray, c'est pas fait exprès. Si ravi, je fais la vie. Tu ouvres ta gueule, tu perds la vie. Percé, tant pis, pas de répit, je le répète. Ici c'est Paris. Prends ton micro, mais dis-moi ce que tu comptes faire. Avant d'être ridicule, parle-en à tous tes confrères. Vas-y, râle donc ta mère. Ton swag a un goût amer. On a franchi les barrières. VLD, majeur en l'air. J'arrête les carrières. Je le répète que t'es pas prêt. Mais ta prod numéro interpeugri, endetté. Je n'ai pas de respect pour les hommes, je n'ai pas de respect pour les femmes. Car là, je suis une école d'ingénieur, si le savoir est une arme. Pourquoi pousser ta la salle? Une balle regarde pas ton corps. Je te scotche la bouche avec ma chaîne, si le silence vaut de l'or. Hardcore, je te dévore 2000 œufs, dressez-moi l'artiste. Gère tellement bien mes affaires que je déteste les nudistes. Le rap, c'est un combat, je mets des coups à chaque tisse. Ils prévoient de tourner la page, j'ai déjà changé de chapitre. Les loves, c'est pas mon truc, j'arrive pas à rester d'elle. Y'a que ma mère que j'aime, le reste je la éclate la poussie. Ils s'attendaient pas à ça, un gros son avec NA2. Les salopes squattent les files d'attente à la recherche d'une grosse queue. Je rentre dans tes rêves comme Freddy et je lâche pas le saut mort. Je vais pisser sur ton CD, t'auras au moins un disque d'or. Nos meufs sont des bebons, si tu la ken ça s'amorce. Je pose pas vers Ajaccio, mais tu vois que les problèmes se corsent. Mais je garde la foi et la force devant tes mecs qui font les sourds. On fait du bif en pleine nuit pour s'offrir des séjours. Je fais du son par amour, ma sincérité le prouve. J'aime pas trop les musées, mais tu te demandes pourquoi je l'ouvre. Bouge pas, reste à ta place, Ray, je vais tout expliquer. Oui, on aime faire la. J'ai une équipe de baisers, qu'est-ce que t'as à me proposer? Derrière moi j'ai du monde, les gangsters n'appellent pas les banques pour un règlement de compte. Ils ont du mal à s'exprimer, ah, tellement que je suis affligeant. Tu rêves du festival de Cannes, viens je te casse la beugeant. On est fiers de nous frère, on est fiers de ce qu'on vaut. Quand ma mère est à découvert, qui vient remplir le frigo. Il faut du bif à gogo, pour ça je ferai le salaud. Je vais signer chez Nikon, je suis le meilleur, y'a pas photo. J'ai aussi dit qu'y'a pas poteau. En voyant leur sale gueule, l'amour montre son vrai visage en tôle ou au cercueil. Et je continue sale bâtard, j'ai trop de choses à dire. J'ai balayé mon passé pour effacer les souvenirs. Qui oserait me contredire sera abattu dans la minute. J'aimerais finir ma vie aux îles, mais on s'appelle pas tous mes îles. Casse-toi de là, sale pute, tu me donnes envie de bégère. Je fais des sons trop lourds et je prends la vie à la légère. Je finis sur un gros punch pour pas que t'oublies le code. Finzo NA2, c'est le retour de la méta prod. Prod, prod, prod, prod.